إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc comme vous l'avez entendu, le titre de cette intervention et cette science est une religion. Et en vérité, ce titre est une phrase qui est connue dans notre religion. Et cette phrase a été mentionnée par l'un de nos pieux prédécesseurs. Et ce pieux prédécesseur n'est autre qu'Ibn Sirin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Il disait, qu'Allah lui fasse miséricorde, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez cette religion. Et il est important pour le musulman de donner de l'importance à la compréhension et la mise en pratique des paroles de nos pieux prédécesseurs. Et ceci pour plusieurs raisons. Parmi elles, la première raison, car nos pieux prédécesseurs parlaient pour la religion. Et la deuxième raison, car il y a dans les paroles de nos pieux prédécesseurs beaucoup de leçons à tirer. Donc Ibn Sirin nous dit هَذَا الْعِلْمُ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. Cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Nous allons expliquer بِذْنِ subhanahu wa ta'ala cette phrase partie par partie. Donc il nous dit rahmahullah هذا العلم دين. Cette science est une religion. Ce qui est voulu par la science ici, c'est la science religieuse. Ce qui est voulu par la science dans sa parole هذا العلم, cette science, c'est la science religieuse. Il est très important de savoir qu'est-ce que la science. Car si tu sais qu'est-ce que la science, tu comprendras qui sont les savants et de qui tu peux prendre ta science. Il faut savoir que la science, comme l'a mentionné l'éminent savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, la science, c'est ma'rifatul huda wa dalilihi. Ma'rifatu al-huda wa dalilihi. La science, c'est la connaissance de la guidée et sa preuve. La connaissance de la guidée et sa preuve. Et comme l'a mentionné également Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu hum ulul ifan. La science, et Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les compagnons ont dit, ceux qui ont la connaissance. Donc avec ces paroles, les paroles d'Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, on comprend qu'est-ce que la science. La science, c'est Allah a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les compagnons ont dit. Et ceci est très important, car beaucoup de gens parlent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de nos jours qui parlent dans la religion d'Allah azawajal ont différentes appellations. On va appeler certains cheikh, on va appeler certains ustad, on va appeler certains muallim, d'autres, ça va être des penseurs, des théologiens, etc., etc. Mais il faut regarder si celui, il faut regarder, est-ce que celui qui s'affilie à la science et à la jurisprudence dit « قال الله ». Allah a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et les compagnons ont dit. Et malheureusement, beaucoup de ceux qui prétendent la science aujourd'hui ou qui parlent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus particulièrement dans notre pays et dans les pays voisins tels que le Nigeria, le Tchad et autres, malheureusement ils ne parlent pas avec Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et les compagnons ont dit. Et c'est ça la véritable science. La véritable science est que la personne qui parle dans la religion, sa parole est basée sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ceci est très important. Et la connaissance de la science et également la connaissance des savants fait partie des fondements des gens de la sunna. Si on prend par exemple certains livres où certains savants ont clarifié les fondements des gens de la sunna, on va retrouver le fondement que nous venons de citer il y a quelques instants. Quel est ce fondement? La connaissance de la science et des savants. Prenons par exemple un livre qui est connu dans le Tawhid. Prenons par exemple le livre intitulé « Les six fondements » « Al-Usul al-Sitta » de l'éminent savant Cheikh l'Islam « Rahmahullah »« Rahmatan wasi'a » Il a mentionné ce fondement. Dans ce livre, il a mentionné six fondements importants. Dans le premier fondement, il a mentionné le Tawhid. Dans le deuxième, il a mentionné « Al-Ijtima' » l'union. Dans le troisième, il a mentionné « Al-Sam' wa al-Ta'a » c'est-à-dire l'écoute et l'obéissance au gouverneur dans le bien. Et dans le quatrième fondement, il a cité « Ma'rifatul ilmi wal ulama » la connaissance de la science et des savants. La connaissance de la science et des savants. Il a ajouté également « Wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum » ceux qui s'apparentent à la science et aux savants, mais qui n'en font pas partie. Et cette parole te montre clairement, ya Abdallah, qu'il y a des savants et ceux qui ne sont pas des savants, mais que les gens considèrent comme savants. Et regardez ce qu'Ibn Sirin nous dit, cette science, c'est-à-dire cette science religieuse, dit-nous, cette science est une religion. Donc on a compris. Qu'est-ce qui est voulu par la science? Ce qui est voulu par la science, c'est la science religieuse. Ensuite, il dit, هذا العلم دين. Cette science est une religion. Cette parole-là nous montre l'importance de la science. Car la religion, c'est ce que tu as de plus cher. Comme les savants ont l'habitude de dire, ta religion, c'est ton fonds de commerce. C'est ton fonds de commerce. Si le commerçant n'a pas de fonds de commerce, il n'est même pas considéré comme un commerçant. Le commerçant qui n'a pas de fonds de commerce n'est pas considéré comme un commerçant. Et le musulman, sa religion, c'est son fonds de commerce. Celui qui n'a pas de religion, il ne tient sur rien. Il ne tient sur rien du tout. Et ceux qui sont convertis à l'islam ont la certitude de cette parole. Peut-être que certains qui ont grandi dans l'islam n'ont pas ne vont pas forcément se reconnaître, mais ceux qui étaient auparavant chrétiens ou juifs ou autres ont la certitude de cela. Celui qui n'a pas de religion n'est sur rien du tout. Et celui qui n'a pas de religion, celui qui ne croit pas en Allah, subhanahu wa ta'ala, va toujours s'attacher à des choses qui sont faibles. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous clarifie cela dans Sourate Hud. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Hud: وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وكان من المغرقين. الله سبحانه وتعالى في سورة هود nous mentionne l'histoire du prophète Nuh عليه السلام avec son fils. Nuh عليه السلام a appelé son fils de monter dans l'arche. Il l'a appelé de monter dans l'arche avec lui et avec les croyants. Et regardez ce que son fils a répondu. Ici, Nour, alayhi salam, appelle son fils à venir avec lui et à être en sécurité et sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez sa réponse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en parlant du fils de Nour, قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Il dit: je vais me réfugier auprès d'une montagne qui me protégera de l'eau. Il s'est attaché à une créature faible au lieu de s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous montre que celui qui n'est pas sur la voie droite, sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne tient sur rien. Et donc lorsqu'Ibn Siri nous dit هذا العلم دين, cette science est une religion, ceci nous montre l'importance de la science. Ceci nous montre l'importance de la science. Ensuite il dit فانظروا عمن تأخذون دينكم. Regardez de qui vous prenez votre religion. La première partie de la phrase d'Ibn Sirin nous indique l'importance de la science. Car il nous mentionne, rahimahullah, que cette science est une religion. Et comme nous l'avons mentionné, la religion est ce que le musulman a de plus cher. Ensuite, dans la deuxième partie de cette phrase, il nous dit que cette religion-là, on ne peut pas la prendre de n'importe qui. On ne peut pas prendre la religion de n'importe qui. Et avant de poursuivre, j'aimerais qu'on se rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith est celui de Tamim ibn Aws ad-Dari radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinun nasiha. La religion, c'est le conseil. Quelqu'un qui entend ce hadith, il peut se poser la question suivante. On sait que notre religion est composée de beaucoup de choses. Le tawhid, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, etc., etc. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-dinun nasiha? La religion est le conseil. Pourquoi? Alors que notre religion est vaste. Les savants de l'islam qui ont expliqué ce hadith ont mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici veut nous mentionner l'importance du conseil dans notre religion. L'importance du conseil dans notre religion. Car tout le monde a besoin de conseils. Et la preuve de cela réside dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Kullu ibn Adam ech khatta. Tous les enfants d'Adam font des erreurs. Wa khayr al-khata'in at-tawwabun. Tous les enfants d'Adam font des erreurs. Et le meilleur de celui qui fait des erreurs est qui ? Est celui qui se repent. Et celui qui se repent. Donc ce hadith nous montre que tout le monde fait des erreurs. Par conséquent, tout le monde a besoin de conseils. Que tu sois un savant, que tu sois un étudiant en sciences, que tu sois un commerçant, un homme, une femme, un enfant, tu as besoin de conseils. Par conséquent, si on a écouté ce hadith, nous sommes obligés, si on parle de ce sujet, de mentionner certaines choses qui sont fréquentes au Cameroun. Notamment dans le fait de prendre la science. Malheureusement, l'un de notre problème au Cameroun, c'est qu'on prend la science de n'importe qui. On prend la science de n'importe qui. Quelqu'un prêche, on prend la science de lui. Sans regarder qui est cette personne. Sans regarder est-ce que cette personne est de confiance. Sans regarder est-ce que cette personne a étudié la science. Sans regarder est-ce que cette personne est connue des gens de la sunna. On va faire une parenthèse. Ici, Allah m'abarik, je vois beaucoup de pères de famille. On va mentionner une situation. Imaginons que l'un de votre enfant est malade. Il a par exemple un cancer. Donc vous rentrez chez vous, votre épouse vous dit, voilà, notre fils a un cancer, il faut l'amener chez le médecin. Est-ce que vous allez prendre votre enfant et aller chez n'importe quel médecin sans regarder qui est ce médecin, sans se renseigner au préalable, où a-t-il étudié, etc. La réponse est non. On va faire nos recherches. On va appeler à droite, à gauche. On va essayer d'aller dans la meilleure clinique de Douala. Même s'il faut aller à Yaoundé, on va y aller. Même si on doit aller dans un autre pays, on va y aller. On va se renseigner d'abord. On va appeler une personne, deux personnes, trois personnes. Et on va chercher le meilleur médecin qu'on peut trouver. On ne va pas aller chez n'importe qui parmi les charlatans qui vont prétendre être médecin. Non. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va, Mada, chercher qui est le meilleur médecin. On va essayer de voir. N'y a-t-il pas un médecin qualifié pour pouvoir traiter mon enfant ? Pour pouvoir traiter mon enfant. Ça, malheureusement, les gens utilisent ce procédé dans la vie mondaine. Par contre, dans la religion, ils n'utilisent pas ce procédé. Dans la religion, ils n'utilisent pas ce procédé. On va prendre la science de n'importe qui. On va prendre la science de n'importe qui. On va écouter n'importe qui. Lorsqu'il s'agit de religion, il prêche, alhamdoulillah, on va écouter le dars du shir. Ensuite, après le cours, on va aller poser des questions au shir, sans savoir s'il est apte à pouvoir répondre à ces questions, sans savoir s'il est digne de confiance. Et ceci est une erreur, pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, nous ordonne de suivre la voie de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire la voie des salaf salih, la voie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. Et lorsqu'on regarde leur voie dans ce sujet, on voit qu'ils ne prenaient pas la science de n'importe qui. On voit qu'ils ne prenaient pas la science de n'importe qui. Et nous allons citer un récit qui nous indique cela. Asma, fils de Ubayd, rapporte que deux hommes, parmi les gens des passions, se sont rendus auprès d'Ibn Sirin. Donc Ibn Sirin est le pieux prédécesseur qui a dit هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Donc des gens se sont rendus auprès d'Ibn Sirin et lui ont dit ô Abu Bakr, pouvons-nous te rapporter un hadith? Donc il voulait juste lire un hadith à Ibn Sirin. Qu'est-ce qu'Ibn Sirin a dit? Il a dit non. Il a refusé. Il a refusé que ces deux hommes lisent un hadith. Ensuite, ces deux hommes ont dit, pouvons-nous te lire un verset du Coran? Ibn Sirin, rahmahullah, a dit non. Soit vous vous levez, ou soit je me lève. Il ne voulait même pas entendre de ces gens-là un hadith, même un seul verset. Même un seul verset du Coran, il ne voulait pas. Ensuite, lorsque ces gens sont partis, donc Asma, fils de Ubayd, dit, les deux hommes sortirent. Puis certaines personnes dirent, ô Abu Bakr, que cela va-t-il faire s'ils lisent un verset du livre d'Allah? Donc les gens ont dit, mais, subhanallah, qu'est-ce que ça va faire si ces gens lisent un verset du Coran? Qu'est-ce que ça va te faire? Écoutez la parole d'Ibn Sirin. Il dit, j'ai peur qu'ils me lisent un verset en déformant son sens et que cela reste dans mon cœur. Ça, c'est la voix de nos pieux prédécesseurs. Ils ne prenaient pas la science de n'importe qui. Au contraire de nous, à cette époque, beaucoup de musulmans prennent la science de n'importe qui et tendent l'oreille à n'importe qui. Et certains vont te dire, mais le shir, vraiment, il a de la science. Vraiment, cet intervenant, ce conférencier a de la science. Et nous disons que même si cette personne a de la science, même si cette personne étudie la religion, ceci ne suffit pas pour prendre la science de cette personne. Et il y a des preuves à cela. Et il y a des preuves à cela. La première preuve se trouve dans le recueil de l'imam Muslim, dans l'un des premiers chapitres, Kitab al-Iman, le chapitre de la foi. Il a mentionné un hadith. Et dans ce hadith, on retrouve l'histoire de deux hommes parmi les tabi'in. Les tabi'in sont le tabi'i est celui qui a rencontré l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant et est mort sur la foi. C'est ça la définition du tabi'i. Donc ces deux hommes parmi les tabi'in, qu'est-ce qui s'est passé? À leur époque, il y a un groupe qui prétendait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance d'une chose lorsque la chose apparaît. Selon eux, Allah subhanahu wa ta'ala sait quand il pleut, lorsqu'il pleut. Il n'y a pas de doute que ceci est un égarement. Et lorsque ces gens sont apparus, ces deux hommes parmi les tabi'in ont décidé de voyager à la Mecque pour aller questionner l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont voyagé à la Mecque dans le but de faire la Umrah ou le Hajj, ils ont rencontré Abdullah ibn Umar, qui n'est autre que le fils de Umar ibn Khattab, radiallahu anhuma. Et donc, ils ont questionné Abdullah ibn Umar concernant cette affaire. Et écoutez bien, ils ont donné certaines caractéristiques de ces gens-là à Abdullah ibn Umar. Et ils lui ont dit, ô Aba Abdurrahman, des gens sont apparus chez nous qui récitent le Coran. Donc il décrit ces gens comme étant des gens qui récitent le Coran. Puis il dit, et recherchent la science avec insistance. Donc ici, c'est deux personnes parmi les tabi'ines mentionnent que ces gens-là avaient une certaine science et qu'ils étudiaient la science et qu'ils lisaient le Coran. Malgré ça, lorsque Abdullah ibn Omar a pris connaissance de leurs paroles, il s'est désavoué d'eux. Ce qui montre que juste avoir de la science ne suffit pas pour prendre la science d'une personne. Deuxième exemple. Certains, avant de passer à cet exemple, certains vont te dire, oui, mais cette personne est pieuse. Cette personne, na'am, fait des adorations. Cette personne prie, jeûne, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths, nous a mis en garde contre la secte des Khawarij. Contre la secte des Khawarij. Qu'est-ce qu'il nous a dit sur cette secte? Il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que ce sont les chiens de l'enfer. Ce sont les chiens de l'enfer, premièrement. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans certains hadiths, yaqra'oun al-Qur'an. Ils récitent le Coran. Et également, dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que c'est des gens qui ont de la dévotion. Ils prient, ils jeûnent. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde fermement contre ces gens. Ce qui nous montre très clairement que le fait qu'une personne ait de la science ne suffit pas pour prendre la science de lui. Il faut que cette personne soit sur la voie droite. Il faut que cette personne soit sur la voie droite. Il faut que cette personne soit sur le Coran, premièrement. Deuxièmement, qu'il soit sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Il faut obligatoirement que cette personne soit sur le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ça, c'est une obligation. Et ça, c'est une obligation. Et si tu prends la science de n'importe qui, tu t'exposes à l'égarement. Tu t'exposes à l'égarement et tu exposes ta religion. Car, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-mar'u ala dini khalili. La personne est sur la religion de son ami. Donc la personne avec qui tu vas rester, la personne dont tu vas écouter les prêches, les conférences et autres, il va avoir une certaine influence sur toi. Et soit il aura une bonne influence sur toi, ou soit il aura une mauvaise influence sur toi. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié dans le Coran. C'est ce qu'Allah nous a clarifié dans le Coran. On lit le Coran tous les jours. On récite le Coran dans la prière. On récite le Coran chez nous, dehors et autres. Mais pourquoi on ne médite pas sur le Coran? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à méditer sur le Coran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce sujet? وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'un homme dira, malheur à moi si je n'aurais pas pris un tel comme ami. Il m'a égaré après que le rappel me soit parvenu. Donc cette personne en question était sur une voie droite. Le rappel d'Allah Azza wa Jal lui est parvenu. Mais malgré ça, il a eu un mauvais compagnon. Et ce compagnon l'a égaré du rappel. Et ça nous montre que la personne avec qui on va rester, la personne de qui on va prendre la science aura une influence sur nous. On voit aujourd'hui que certaines personnes étaient sur la sunna. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'ils ont pris la science de certaines personnes parmi les gens de l'innovation, tels que Al-Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans, ou encore Jama'at al-Tablir, les gens du Tablir, ou autres parmi les gens de l'innovation, ils se sont égarés. C'est pour ça, barakallahu fikoum, il faut faire très attention. Ce n'est pas tout cher qui vient du Nigeria qui est digne de confiance. Certains ne sont pas dignes de confiance. Certains ne sont pas sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on revient aux gens de clairvoyance du Nigeria, aux gens de la sunna du Nigeria, ceux qui ont la clairvoyance et ceux qui ont la science, ils vont bien nous renseigner sur ces chouyours ou sur certains de ces chouyours qui viennent au Cameroun pour faire des conférences et autres. Il faut faire attention, mes frères. Ici, on ne parle pas de la vie mondaine. Ici, c'est la religion. Ici, Ikhwani fillah, c'est la religion qui est visée. Il faut faire attention. Ne prends pas la science de n'importe qui. Ne tends pas l'oreille à n'importe qui. Assure-toi que cette personne est bien. Et si tu ne connais pas cette personne, si tu n'as jamais entendu parler de cette personne, ou si tu as un doute, alors tu t'abstiens. Jusqu'à ce que tu aies la certitude que cette personne est sur la sunna. Et ça, c'est la voie des pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs, avant de prendre la science d'une personne, ils se renseignaient, ils l'observaient, ils regardaient son comportement. L'imam Malik, rahmahullah, a dit qu'avant de prendre la science d'Ayoub Sirtiani, il a attendu un moment. Il a attendu une année entière. Et il n'a pas pris tout de suite la science de Ayoub Sirtiani, rahmahullah. Et un jour, lorsqu'on a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ayoub Sirtiani et qu'il a pleuré, c'est à ce moment-là qu'il a pris la science d'Ayoub Sirtiani. Et ça nous montre que l'imam Malik ainsi que l'ensemble des pieux prédécesseurs ne prenaient pas la science de n'importe qui. Ils vérifiaient si cette personne est apte, si cette personne craint Allah subhanahu wa ta'ala et si cette personne est sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, ce sujet est très long. Néanmoins, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qui a été cité dans cette intervention soit une preuve pour nous et non contre nous. Et pour finir, j'aimerais remercier les dirigeants de cette mosquée pour nous avoir ouvert la porte. Comme à chaque fois que nous venons, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser de la meilleure des manières. والله المستعان وعليه التكلان سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.